vexer pour une si petite affaire. J'aimerais pourtant bien être un peu moins fier. La vie est insupportable avec moi, quel enfer. Je ne comprends pas vraiment les raisons qui font que je passe le plus clair de mon temps à t'emmerder. Si je pouvais arrêter de me torturer, car en y réfléchissant, c'est vraiment trop con. C'est la chanson de l'homme amer, un peu bidon, un peu trop fier. C'est la chanson de l'homme amer, quand il se change en statue de pierre. En plus je suis jaloux comme une teigne, je voulais pas vraiment te donner cette beigne. Maintenant tu pleures en tripotant ton peigne, et quand je te regarde, j'ai mon cœur qui saigne. Con comme un mec, dès que ça devient bon, je me tire aussi sec. J'aurai sûrement besoin d'un nettoyage à sec, histoire de récurer la peau jusqu'au squelette. C'est la chanson de l'homme amer, un peu bidon, un peu trop fier. C'est la chanson de l'homme amer, quand il se change en statue de pierre. Il faudra bien qu'un jour je renonce enfin à vouloir devenir ce que je ne suis point. Apprendre à me contenter de ces petits riens qui font la vie comme elle est, ce serait aussi bien. C'est la chanson de l'homme amer, un peu bidon, un peu trop fier. C'est la chanson de l'homme amer, quand il se change en statue de pierre. C'est la chanson de l'homme amer, un peu bidon, un peu trop fier. C'est la chanson de l'homme amer, quand il se change en statue de pierre.